de rien faire. Moi, il me disait durant l'initiation en 69 ou dans les années qui suivaient, il disait, on t'a tout enlevé, mais on va tout te redonner au centuple. Au centuple. J'ai dit, à quand? 1980. Tu penses que je ne comptais pas les années? Fait que je suis parti de la pauvreté net. Hein? Mais je trouve ça beau. Moi, je trouve que ça fait partie du risque de tomber dans le vide. Hein? Oui, d'accord. C'est beau seulement, c'est de la souffrance. Mais c'est ça, non, c'est de même. C'est pas de la souffrance. C'est de la souffrance. Quand tu le vis, c'est de la souffrance. Oui. Mais moi, d'où? Ça a commencé à, tu sais, ça commence à l'air. Je comprenais ça. Je comprenais ça. Mais je m'en vais quelque part, je sais pas où. Mais ça va arrêter la semaine prochaine. On est rendu en novembre. 4 mois, ça. Septembre, octobre, novembre. Ça va être la semaine prochaine. Là, j'attends plus parce qu'il y avait toujours de l'espérance. Tant qu'il y a de l'espérance, j'ai dit tabarnak, ils ne m'auront pas avec l'espérance. C'est ça. Il y a à mettre à terre l'espérance. Ça ne marche pas avec l'espérance. Me dire une chose, Hélène. Il y a seulement une façon de travailler avec l'intelligence. C'est avec la volonté. Il n'y en a pas d'autre. Si tu travailles avec l'intellect, là, ça marche. Mais si tu travailles, là, si tu vis de l'intelligence, il y a seulement une façon, c'est en descendant la volonté. Ça, c'est une clé. Il faut avoir cette volonté-là. Il faut que l'ego soit désengagé en sacrement. Personnalité, là, on empêche d'avoir la volonté. Et là, clé, exactement. La personnalité empêche d'avoir de la volonté. Parce que la personnalité, c'est le tinaigre de l'âme. C'est le tinaigre de l'âme. Elle fait tout ce que l'âme veut. Parce que la personnalité, elle est le reflet de l'âme. Tu te souviens, Bernard, hein, au printemps, puis même cet été, moi, je te dis, moi, je suis capable de faire ce que tu fais. J'ai dit ça, hein. Mais moi, je veux plus faire ça. Parce que là, j'ai compris comment c'était fatigant, puis j'ai dit, ils vont payer en sacrement. Je parle parce que là, c'est le fun, parce que Bernard est là. Et c'est peut-être en tabarouette des bouts de parler. Parce que, puis c'est ça que j'ai compris aussi quand t'as parlé. Il me disait, toi, on me donne de l'énergie, là. Il me disait pas, mais je l'ai compris. L'énergie me disait. On donne l'énergie, puis t'as assez une grande âme que tu donnes ça à n'importe qui. Fait qu'on a peur. Penses-tu qu'on va donner de l'argent pour que tu donnes ça à n'importe qui? Tu sais, de l'argent, l'énergie, je parle, là. Pas de l'argent dans les poches. Mais t'as donné à n'importe qui. Tu ne discernes pas qui l'a donné parce que toi, tu as un grand sentiment maternel, puis toutes les gens qui ne sont pas dans la conscience, tu veux leur faire le saut dans la conscience. Fait que là, on va te breaker ça, tu vas finir par comprendre, ta barouette. Mais moi, là, ça m'a appris à mon tête, parce qu'il y a une chose que je n'ai jamais douté, c'est de ma compétence, puis de tout le long, parce que j'avais de l'eau privée, puis il n'y avait plus de clients, je n'ai jamais douté de ma compétence, puis j'en doute pas encore. Puis tu te fatigues pour rien. J'avais pas jamais connu ça dans ma vie, moi, le repos. Jamais. Moi, j'étais une femme active. Déjà, quand j'avais pas 15 personnes à souper dimanche soir, j'étais pas bien. Puis quand j'avais pas 3 réunions par soir, j'étais inactive, je servais à rien. Ben là, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de servir à rien. Puis le maudit que je commence à aimer ça. Là, l'autre affaire arrive, tu vas devenir paresseuse, maudit. Tu comprends-tu l'ego comment il travaille, puis d'amener à la désengager? Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu fais rien, même pas tes enfants avec toi, tu sais? Et là, je commence à goûter ça le fun de me reposer et d'être bien. Parce que moi, je n'avais jamais goûté ça le fun. Puis pendant un mois de temps, au moins, là, quand je ne travaillais pas, au lieu de profiter du repos que j'avais du temps que je ne travaillais pas, je faisais de l'overtime dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut? Mais là, j'en fais plus d'overtime. Je prends ce qui arrive. Ouais, éventuellement, c'est ce que tu veux. Oui. Mais quand tu es rendu là, à ce que tu veux, là, puis te servir de leur énergie, pour le faire, il faut que tu descendes d'une maudite volonté. Puis si les situations intérimaires là, servent à t'amener à ça. Puis un jour, elle va venir, là, parce qu'ils vont, ils serrent les vis, ils ont leur façon de servir les vis de différentes façons, puis après ça, ça descend. Ouais. Moi, j'aimerais ça vous conter ce que j'ai fait quand je l'ai fait descendre, cette énergie-là. Non. Non, parce que vous ne me prendriez pas objectivement.

Le je ne sais pas, j'attends pas des nouvelles. Parce que je n'aime pas courir après. J'ai téléphoné une fois. Au bout de deux semaines, l'autre m'a rappelé, puis elle m'a dit qu'elle avait appelé bien sûr. J'ai pondu ça, un synopsis de 5 émissions dans 10 minutes. Ça fait plus de temps à mettre avec Tito que de l'écrire. Mais là, il faut que je le laisse aller. C'est l'affaire de se servir de l'intelligence, de vivre de l'intelligence, tu veux? La nécessité de se servir, de faire descendre de la volonté, là, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Si vous allez vivre de votre intelligence dans le monde, il y a deux façons de vivre dans le monde. Soit vous vivez de votre intellect, ou de vivez de votre intelligence. C'est deux lois différentes. Si tu vis de ton intellect, tu sers de personnalité. Si tu vis de ton intelligence, tu dois la mettre totalement au rencor. Quand tu t'as la personnalité, tu attends que tu aies une personnalité assez grande pour que quelqu'un de la division t'invite. Ouais. Tandis que quand c'est l'autre aspect, tu défonces toutes les portes. C'est juste l'intelligence qui run. Puis ça va vite, brrr, en dedans de... Ça va vite. Ça peut être dans une journée. Mais à ce moment-là, il n'y a plus personne qui t'arrête. Puis à l'état, tu deviens comme un train. Puis c'est toujours toi qui juge la situation. Tu es dans l'intelligence à ce moment-là, puis ça marche. Ton intelligence devient ta lentille, puis ta volonté devient ton marteau. Je dis, moi, je refuse. Moi, puis là, tu n'es plus astral, fait qu'automatiquement, tu ne te vides pas. Si tu savais comment est-ce que j'ai de demande d'aller aux États-Unis, d'aller en France, d'aller en Amérique du Sud, faire des émissions de télévision, écrire, j'arrêterais, puis je me viderais. Quand tu es dans l'intelligence, tu ne peux pas faire ça. Okay, ça fonctionne. Il y a des limites. Tu les connais, puis sont bonnes, puis c'est assez. Mais ça te prend une maudite volonté pour les amener, eux autres, à te servir. Parce que c'est ça. Pour les amener, eux autres, à te servir, faut que tu en arrives à Mais c'est clair, parce que quand tu dis ça, là, c'est que tu as peur de manquer ton coup, tu sais, les amener eux autres à te servir. Ça va t'émotiver. Quand tu as besoin d'argent, tu craches pas sur 50 piastres. Hein? Mm-hmm. Mais quand tu es intelligent, puis tu as besoin d'argent, puis dans l'intelligence, tu sais que tu dois cracher sur 50 piastres, il faut que tu craches 50 piastres. Mm-hmm. Même quand tu as besoin d'argent. Mm-hmm. Parce qu'ils ont toujours des trucs pour te prendre là-dedans. Ouais, mais c'est ça le discernement. C'est quand on arrive à un point que. Ils n'ont plus de trucs dans leur sac. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es arrivé au point où tu haïs absolument. Tu peux haïr. C'est quand tu haïs que tu descends la volonté. Parce qu'à un moment donné, il y a une fille, elle me dit, bon, ben là, tu vas venir, il y a des gens qui sont prêts, qui ne sont pas capables d'aller voir Bernard, tu vas venir parler à Sherbrooke. Collègue. Chalet. Elle amasse une petite gang à 10 pièces, ça ne payait pas mon voyage. Je donnais un pourcentage à cette fille-là parce qu'elle m'organisait un groupe. Là, je dis, moi, il ne va pas en bas de 15 pièces. Ça a tombé, personne n'est venu. Trop cher. Là, j'ai dit, tabarnak, si ça ne vaut pas plus cher que ça, moi, je suis chez nous, j'ai du fun. Mais j'y vais pas. Puis ça arrive dans un temps où j'ai besoin d'argent. Tu sais le truc? Mais moi, je ne me prostituerai pas, c'est pas vrai. Non, c'est une perte d'énergie. C'est. Non, faut jamais. Là, je voudrais ouvrir, c'est tout dans la même direction, mais c'est un autre volet. Il y a trois sortes de psychologie de l'âme. Autrement dit, il y a trois sortes de psychologie dans l'univers. Possible. Alors.